Section 6 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Deuxième partie, à Paris. Livre 1er, Simourdin. Chapitre 1. Les rues de Paris dans ce temps-là. On vivait en public. On mangeait sur des tables dressées devant les portes. Les femmes, assises sur les perrons des églises, faisaient de la charpie en chantant la Marseillaise. Le parc Monceau et le Luxembourg étaient des champs de manœuvre. Il y avait, dans tous les carrefours, des armureries en plein travail. On fabriquait des fusils sous les yeux des passants qui battaient des mains. On n'entendait que ce mot dans toutes les bouches. « Patience, nous sommes en révolution !» On souriait héroïquement. On allait au spectacle comme à Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. On voyait, affiché au coin des rues, le siège de Thionville, la mère de famille sauvée des flammes, le club des sans-soucis, l'aîné des papesses Jeanne, les philosophes soldats, l'art d'aimer au village. Les Allemands étaient aux portes. Le bruit courait que le roi de Prusse avait fait retenir des loges à l'opéra. Tout était effrayant et personne n'était effrayé. La ténébreuse loi des suspects, qui est le crime de Merlin de Douai, faisait la guillotine visible au-dessus de toutes les têtes. Un procureur, nommé Serrant, dénoncé, attendait qu'on va l'arrêter en robe de chambre et en pantoufles, et en jouant de la flûte à sa fenêtre. Personne ne semblait avoir le temps. Tout le monde se hâtait. Pas un chapeau qui n'eût une cocarde. Les femmes disaient « Nous sommes jolies sous le bonnet rouge !» Paris semblait plein d'un déménagement. Les marchands de bric-à-brac étaient encombrés de couronnes, de mitres, de spectres en bois doré et de fleurs de lys, défroques des maisons royales. C'était la démolition de la monarchie qui passait. On voyait chez les fripiers des chapes et des rochers à vendre ou « Décroche-moi ça !» Au Porcheron et chez Rampenot, des hommes, affublés de surplis et d'étoles, montés sur des ânes, carapassonnés de chasubles, se faisaient verser le vin du cabaret dans les ciboires des cathédrales. Rue Saint-Jacques, des paveurs, pieds nus, arrêtaient la brouette d'un colporteur qui offrait des chaussures à vendre, se cotisaient et achetaient 15 paires de souliers qu'ils envoyaient à la Convention pour nos soldats. Les bustes de Franklin, de Rousseau, de Brutus et, il faut ajouter, de Marat abondaient. Au-dessous d'un de ces bustes de Marat, rue Cloche-Perce, était accroché sous verre, dans un cadre de bois noir, un réquisitoire contre Malouet, avec fait à l'appui, et ses deux lignes en marge. Ces détails m'ont été donnés par la maîtresse de Sylvain Bailly, bonne patriote qui a des bontés pour moi, signé Marat. Sur la place du Palais-Royal, l'inscription de la fontaine, Quantos effondit in usus, était cachée par deux grandes toiles peintes à la détrempe, représentant l'une, cahier de Gerville dénonçant à l'Assemblée nationale le signe de ralliement des chiffonistes d'Arles, l'autre, Louis XVI ramenait le Varenne dans son carrosse royal, et, sous ce carrosse, une planche liée par des cordes portant à ses deux bouts deux grenadiers, la baïonnette au fusil. Peu de grandes boutiques étaient ouvertes. Des merceries et des bamelotteries roulantes circulaient, traînées par des femmes, éclairées par des chandelles, les suifs fondant sur les marchandises. Des boutiques en plein vent étaient tenues par des êtres religieuses en perruques blondes. Telle ravaudeuse, raccommandant des bas dans une échoppe, était une comtesse. Telle couturière était une marquise. Madame de Boufflers habitait un grenier d'où elle voyait son hôtel. Des crieurs couraient, offrant les papiers nouvelles. On appelait « écrouez-le » ceux qui cachaient leurs mantons dans leurs cravates. Les chanteurs ambulants pullulaient. La foule huait Pitou, le chansonnier royaliste, vaillant d'ailleurs, car il fut emprisonné 22 fois et fut traduit devant le tribunal révolutionnaire pour s'être frappé le bas des reins en prononçant le mot « civisme ». Voyant sa tête en danger, il s'écria « Mais c'est le contraire de ma tête qui est coupable !» ce qui fit rire les juges et le sauva. Ce Pitou raillait la mode des noms grecs et latins. Sa chanson favorite était sur un savetier qu'il appelait Cujus et dont il appelait la femme Cujus dame. On faisait des rondes de carmagnole. On ne disait pas le cavalier et la dame, on disait le citoyen et la citoyenne. On dansait dans les cloîtres en ruine avec des lampions sur l'autel. À la voûte, deux bâtons en croix portant quatre chandelles et des tombes sous la danse. On portait des vestes bleues de tyran. On avait des épingles de chemise au bonnet de la liberté, faites de pierres blanches, bleues et rouges. La rue de Richelieu se nommait rue de la Loi. Le faubourg Saint-Antoine se nommait le faubourg de Gloire. Il y avait sur la place de la Bastille une statue de la nature. On se montrait certains passants connus, Châtelet, Didier, Nicolas et gardier de Launay, qui veillaient à la porte du menuisier Duplay, voulant qu'il ne manquait pas un jour de guillotine, et suivaient les charretées de condamnés, et qui appelaient cela « aller à la messe rouge », mon Flabert, juré révolutionnaire à Marquis, lequel se faisait appeler 10 août. On regardait défiler les élèves de l'école militaire, qualifiés par les décrets de la Convention, aspirant à l'école de Mars, et par le peuple, page de Robespierre. On lisait les proclamations de Fréron, dénonçant les suspects du crime de négociantisme. Les muscadins, ameutés aux portes des mairies, raillaient les mariages civils, s'attroupaient au passage de l'épousé et de l'époux, et disaient « mariés municipalitaires ». Aux invalides, les statues des saints et des rois étaient coiffées du bonnet phrygien. On jouait aux cartes sur la bonne des carrefours. Les jeux de cartes étaient eux aussi en pleine révolution. Les rois étaient remplacés par les génies, les dames par les libertés, les valets par les égalités et les as par les lois. On labourait les jardins publics, la charrue travaillait aux Tuileries. À tout cela était mêlé, surtout dans les partis vaincus, on ne sait quelle hautaine lassitude de vivre. Un homme écrivait à Fouquier-Tinville « Ayez la bonté de me délivrer de la vie, voici mon adresse. » Chancenetz était arrêté pour s'être crié en plein palais royal. « À quand la révolution de Turquie? Je voudrais voir la République à la porte !» Partout des journaux, des garçons perruquiers crêpaient en public des perruques de femmes, pendant que le patron lisait à haute voix le moniteur. D'autres commentaient au milieu des groupes, avec force de geste, le journal « Entendons-nous » de Dubois-Crancé ou « La trompette du père Belle-Rose ». Quelquefois, les barbiers étaient en même temps charcutiers, et l'on voyait des jambons et des andouilles pendre à côté d'une poupée coiffée de cheveux d'or. Des marchands vendaient sur la voie publique des vins d'émigrés. Un marchand affichait des vins de 52 espèces. D'autres brocantaient des pendules en lyre et des sofas à la duchesse. Un perruquier avait pour enseigne ceci. « Je rase le clergé, je peigne la noblesse, j'accommode le tiers-état. » On allait se faire tirer les cartes par Martin, au numéro 173 de la rue d'Anjou, ci-devant Dauphine. Le pain manquait, le charbon manquait, le savon manquait. On voyait passer des bandes de vaches laitières arrivant des provinces. À la vallée, l'agneau se vendait 15 francs la livre. Une affiche de la commune assignait à chaque bouche une livre de viande par décade. On faisait queue aux portes des marchands. Une de ces queues est restée légendaire. Elle allait de la porte d'un épicier de la rue du Petit Carreau jusqu'au milieu de la rue Montorgueil. Faire queue, cela s'appelait, tenir la ficelle, à cause de longues cordes que prenaient dans leurs mains l'un derrière l'autre ceux qui étaient à la file. Les femmes, dans cette misère, étaient vaillantes et douces. Elles passaient les nuits à attendre leur tour d'entrer chez le boulanger. Les expédients réussissaient la révolution. Elles soulevaient cette vaste détresse avec deux moyens périlleux, l'assignat et le maximum. L'assignat était le levier, le maximum était le point d'appui. Cet empirisme sauva la France. L'ennemi, aussi bien l'ennemi de Koblenz que l'ennemi de Londres, agiotait sur l'assignat. Des filles allaient et venaient, offrant de l'eau de lavande, des jarretières et des cannettes, et faisant l'agio. Il y avait les agioteurs du perron de la rue Vivienne, en souliers crottés, en cheveux gras, en bonnet à poil, à queue de renard, et les maillolets de la rue de Valois, en bottes cirées, le cure-dent à la bouche, le chapeau velu sur la tête, tutoyé par les filles. Le peuple leur faisait la chasse, ainsi qu'aux voleurs, que la royaliste appelait « citoyens actifs ». Du reste, très peu de vols. Un dénuement farouche, une probité stoïque. Les va-nu-pieds et les meurs-de-faim passaient, les yeux gravement baissés, devant les devantures des bijoutiers du palais Égalité. Dans une visite domiciliaire que fit la section Antoine chez Beaumarchais, une femme cueillit dans le jardin une fleur. Le peuple la souffleta. Le bois coûtait 400 francs, argent, la corde. On voyait dans les rues des gens scier leur bois de lit. L'hiver, les fontaines étaient gelées. L'eau coûtait 20 sous la voie. Tout le monde se faisait porteur d'eau. Le louis d'or valait 3 950 francs. Une course en fiacre coûtait 600 francs. Après une journée de fiacre, on entendait ce dialogue. « Cocher, combien vous dois-je ? 6 000 livres. » Une marchande d'herbe vendait pour 20 000 francs par jour. Un mendiant disait « Par charité, secourez-moi, il me manque 230 livres pour payer mes souliers. » À l'entrée des ponts, on voyait des colosses sculptés et peints par David que Mercier insultait. « Énorme polichinelle de bois, disait-il. » Ces colosses figuraient le fédéralisme et la coalition terrassée. Aucune défaillance en ce peuple. la sombre joie d'en avoir fini avec les trônes. Les volontaires affluaient, offrant leur poitrine. Chaque rue donnait un bataillon. Les drapeaux des districts allaient et venaient, chacun avec sa devise. Sur le drapeau du district des Capucins, on disait « Nul ne nous fera la barbe !» Sur un autre, « Plus de noblesse que dans le cœur !» Sur tous les murs, des affiches, grandes, petites, blanches, jaunes, vertes, rouges, imprimées, manuscrites, où l'on lisait ce cri « Vive la République !» Les petits-enfants bégayaient « Ça ira !» Ces petits-enfants, c'était l'immense avenir. Plus tard, à la ville tragique, succéda la ville cynique. Les rues de Paris ont eu deux aspects révolutionnaires très distincts, avant et après le 9 Thermidor. Le Paris de Saint-Just fit place au Paris de Tallien. Et ce sont là les continuelles antithèses de Dieu, immédiatement après le Sinaï, la courtille apparut. Un accès de folie publique, cela se voit. Cela s'était déjà vu 80 ans auparavant. On sort de Louis XIV comme on sort de Robespierre, avec un grand besoin de respirer. De là, la régence qui ouvre le siècle et le directoire qui le termine. Deux Saturnales après deux terrorismes. La France prend la clé des champs, hors du cloître puritain, comme hors du cloître monarchique, avec une joie de nation échappée. Après le 9 Thermidor, Paris fut gai. D'une gaieté égarée, une joie malsaine déborda. À la frénésie de mourir succéda la frénésie de vivre, et la grandeur s'éclipsa. On eut un trimalcion qui s'appela Grimaud de la Reynière. On eut l'almanach des gourmands. On dîna au bruit des fanfares dans les entresols du palais royal, avec des orchestres de femmes battant du tambour et sonnant de la trempette. Le rigaud digné, l'archer au poing, régna. On soupa à l'oriental chez Méo, au milieu des cassolettes pleines de parfums. Le peintre Beauce peignait ses filles, innocentes et charmantes têtes de 16 ans, en guillotinées, c'est-à-dire décolletées avec des chemises rouges. Aux danses violentes dans les églises en ruine, succédèrent les bals de Ruggieri, de Luquet, de Wenzel, de Mauduit, de la Montansier. Aux graves citoyennes qui faisaient de la charpie, succédèrent les sultanes, les sauvages, les nymphes. Aux pieds nus des soldats couverts de sang, de boue et de poussière, succédèrent les pieds nus des femmes ornées de diamants. En même temps que l'impudeur, l'improbité reparut. Il y eut en haut les fournisseurs et en bas la petite pègre. Un fourmillement de filous emplit Paris, et chacun dut veiller sur son luc, c'est-à-dire sur son portefeuille. Un des passe-temps était d'aller voir, place du palais de justice, les voleuses aux tabourets. On était obligé de leur lier les jupes. À la sortie des théâtres, des gamins offraient des cabriolets en disant « Citoyens et citoyennes, il y a place pour deux !» On ne criait plus le vieux cordelier et l'ami du peuple, on criait « La lettre de Polichinelle et la pétition des galopins !» Le marquis de Sade présidait la section des piques, place Vendôme. La réaction était joviale et féroce. Les dragons de la liberté de 92 renaissaient sous le nom de chevaliers du poignard. En même temps, surgit sur les tréteaux ce type « Jocris ». On eut les merveilleuses, et au-delà des merveilleuses, les inconcevables. On jura par sa parole victimée et par sa parole verte. On recula de Mirabeau jusqu'à Bobèche. C'est ainsi que Paris va et vient. Il est l'énorme pendule de la civilisation. Il touche tour à tour un pôle et l'autre, les thermophiles et Gomorre. Après 93, la Révolution traversa une occultation singulière. Le siècle sembla oublier de finir ce qu'il avait commencé. On ne sait quelle orgie s'interposa, prit le premier plan, fit reculer au second l'effrayant apocalypse. Voilà la vision démesurée et éclata de rire après l'épouvante. La tragédie disparut dans la parodie et, au fond de l'horizon, une fumée de carnaval effaça vaguement Méduse. Mais, en 93 où nous sommes, les rues de Paris avaient encore tout l'aspect grandiose et farouche des commencements. Elles avaient leurs orateurs. Varlet, qui promenait une baraque roulante, du haut de laquelle il haranguait les passants, leur héros, dont un s'appelait le capitaine des bâtons ferrés, leur favori, Guffroy, l'auteur du pamphlet Rougif, quelques-unes de ses popularités étaient malfaisantes, d'autres étaient saines. Une, entre toutes, était honnête et fatale. C'était celle de Simourdin. Chapitre 2. Simourdin. Simourdin était une conscience pure mais sombre. Il avait en lui l'absolu. Il avait été prêtre, ce qui est grave. L'homme peut, comme le ciel, avoir une sérénité noire. Il suffit que quelque chose fasse en lui la nuit. La prêtrise avait fait la nuit dans Simourdin. Qui a été prêtre l'est. Ce qui fait la nuit en nous peut laisser en nous les étoiles. Simourdin était plein de vertu et de vérité, mais qui brillait dans les ténèbres. Son histoire était courte à faire. Il avait été curé de village et précepteur dans une grande maison. Puis, un petit héritage lui était venu et il s'était fait libre. C'était par-dessus tout un opiniâtre. Il se servait de la méditation comme on se sert d'une tenaille. Il ne se croyait le droit de quitter une idée que lorsqu'il était arrivé au bout. Il pensait avec acharnement. Il savait toutes les langues de l'Europe et un peu les autres. Cet homme étudiait sans cesse, ce qui l'aidait à porter sa chasteté. Mais rien de plus dangereux qu'un tel refoulement. Prêtre, il avait, par orgueil, hasard ou hauteur d'âme, observé ses vœux. Mais il n'avait plus gardé sa croyance. La science avait démoli sa foi. Le dogme s'était évanoui en lui. Alors, s'examinant, il s'était senti comme mutilé, et ne pouvant se défaire prêtre, il avait travaillé à se refaire homme, mais d'une façon austère. On lui avait ôté la famille, il avait adopté la patrie. On lui avait refusé une femme, il avait épousé l'humanité. Cette plénitude énorme, au fond, c'est le vide. Ses parents, paysans, en le faisant prêtre, avaient voulu le faire sortir du peuple. Il était rentré dans le peuple. Et il y était rentré passionnément. Il regardait les souffrants avec une tendresse redoutable. De prêtre, il était devenu philosophe, et de philosophe, athlète. Louis XV vivait encore que déjà Simourdin se sentait vaguement républicain. De quelle république ? De la république de Platon, peut-être, et peut-être aussi de la république de Dracon. Défense lui étant faite d'aimer, il s'était mis à haïr. Il haïssait les mensonges, la monarchie, la théocratie, son habit de prêtre. Il haïssait le présent, et il appelait à grands cris l'avenir. Il le pressentait, il l'entrevoyait d'avance, il le devinait effrayant et magnifique. Il comprenait, pour le dénouement de la lamentable misère humaine, quelque chose comme un vengeur qui serait un libérateur. Il adorait de loin la catastrophe. En 1789, cette catastrophe était arrivée et il avait trouvé prêt. Simourdin s'était jeté dans ce vaste renouvellement humain avec logique, c'est-à-dire, pour un esprit de sa trempe, inexorablement. La logique ne s'attendrit pas. Il avait vécu les grandes années révolutionnaires et avait eu le tressaillement de tous ses souffles. 89, la chute de la Bastille, la fin du supplice des peuples. 90, le 19 juin, la fin de la féodalité. 91, Varennes, la fin de la royauté. 92, l'avènement de la République. Il avait vu se lever la révolution. Il n'était pas homme à avoir peur de cette géante. Loin de là, cette croissance de tout l'avait vivifié. Et, quoique déjà presque vieux, il avait 50 ans et un prêtre, et plus vite vieux qu'un autre homme, il s'était mis à croître lui aussi. D'année en année, il avait regardé les événements grandir et il avait grandi comme eux. Il avait craint d'abord que la révolution n'avortât. Il l'observait, elle avait la raison et le droit, il exigeait qu'elle eût le succès. Et, à mesure qu'elle effrayait, il se sentait rassuré. Il voulait que cette Minerve, couronnée des étoiles de l'avenir, fût aussi Pallas, et eut pour bouclier le masque au serpent. Il voulait que son aide divin pût au besoin jeter aux démons la lueur infernale et leur rendre terreur pour terreur. Il était arrivé ainsi à 93. 93 est la guerre de l'Europe contre la France et de la France contre Paris. Et qu'est-ce que la Révolution ? C'est la victoire de la France sur l'Europe et de Paris sur la France. De là, l'immensité de cette minute épouvantable, 93, plus grande que tout le reste du siècle. Rien de plus tragique. L'Europe attaquant la France et la France attaquant Paris. Drame qui a la stature de l'épopée. 93 est une année intense. L'orage est là, dans toute sa colère et dans toute sa grandeur. Simourdin s'y sentait à l'aise. Ce milieu éperdu, sauvage et splendide convenait à son envergure. Cet homme avait, comme l'aigle de mer, un profond calme intérieur, avec le goût du risque au dehors. Certaines natures ailées, farouches et tranquilles sont faites pour les grands vents, les âmes de tempête, cela existe. Il avait une pitié à part, réservée seulement aux misérables. Devant l'espèce de souffrance qui fait horreur, il se dévouait. Rien ne lui répugnait. C'était là son genre de bonté. Il était hideusement secourable et divinement. Il cherchait les ulcères pour les baiser. Les belles actions laides à voir sont les plus difficiles à faire. Il préférait celles-là. Un jour, à l'Hôtel Dieu, un homme allait mourir, étouffé par une tumeur à la gorge, abcès fétide, affreux, contagieux peut-être, et qu'il fallait vider sur le champ. Simourdin était là. Il appliqua sa bouche à la tumeur, la pompa, recrachant à mesure que sa bouche était pleine, vida l'abcès et sauva l'homme. Comme il portait encore à cette époque son habit de prêtre, quelqu'un lui dit « Si vous faisiez cela au roi, vous seriez évêque. »« Je ne le ferai pas au roi, » répondit Simourdin. L'acte et la réponse se firent populaires dans les quartiers sombres de Paris. si bien qu'il faisait de ceux qui souffrent, qui pleurent et qui menacent ce qu'il voulait. À l'époque des colères contre les accapareurs, colère si féconde en méprise, ce fut Simourdin qui, d'un mot, empêcha le pillage d'un bateau chargé de savon sur le port Saint-Nicolas et qui dissipa les attrapements furieux, arrêtant les voitures à la barrière Saint-Lazare. Ce fut lui qui, deux jours après le 10 août, mena le peuple jeter bas les statues des rois. En tombant, elles tuèrent. Place Vendôme, une femme, reine Violet, fut écrasée par Louis XIV, au coup duquel elle avait mis une corde qu'elle tirait. Cette statue de Louis XIV avait été 100 ans debout. Elle avait été érigée le 12 août 1692. Elle fut renversée le 12 août 1792. Place de la Concorde, un nommé Guinguerlot, ayant appelé les démolisseurs canailles, fut assommé sur le piédestal de Louis XV. La statue fut mise en pièces. Plus tard, on en fit des sous. Le bras seul échappa. C'était le bras droit que Louis XV étendait avec un geste d'empereur romain. Ce fut sur la demande de Simourdin que le peuple donna et qu'une députation porta ce bras à Latude. L'homme enterré 37 ans à la Bastille. Quand Latude, le carcan au cou, la chaîne au ventre, pourrissait vivant au fond de cette prison par ordre de ce roi dont la statue dominait Paris, qui lui eut dit que cette prison tomberait, que cette statue tomberait, qu'il sortirait du sépulcre et que la monarchie entrerait, que lui, le prisonnier, il serait le maître de cette main de bronze qui avait signé son écrou, et que, de ce roi debout, il ne resterait que ce bras d'airain. Simourdin était de ces hommes qui ont en eux une voix et qui l'écoutent. Ces hommes-là semblent distraits, point, ils sont attentifs. Simourdin savait tout et ignorait tout. Il savait tout de la science et ignorait tout de la vie. De là, sa rigidité. Il avait les yeux bandés, comme la Thémis d'Homère. Il avait la certitude aveugle de la flèche qui ne voit que le but et qui y va. En révolution, rien de redoutable comme la ligne droite. Simourdin allait devant lui, fatal. Simourdin croyait que, dans les jeunesses sociales, le point extrême est le terrain solide. Erreur propre aux esprits qui remplacent la raison par la logique. Il dépassait la convention, il dépassait la commune. Il était de l'évêché. La réunion, dite l'évêché, parce qu'elle tenait ses séances dans une salle du vieux palais épiscopal, était plutôt une complication d'hommes qu'une réunion. Là assistaient, comme à la commune, ces spectateurs silencieux et significatifs qui avaient sur eux, comme dit Gara, autant de pistolets que de poches. L'évêché était un pêle-mêle étrange, pêle-mêle cosmopolite et parisien, ce qui ne s'exclut point. Paris étant le lieu où bat le cœur des peuples. Là était la grande incandescence plébéienne. Près de l'évêché, la convention était froide et la commune était tiède. L'évêché était une de ces formations révolutionnaires pareilles aux formations volcaniques. L'évêché contenait de tout, de l'ignorance, de la bêtise, de la probité, de l'héroïsme, de la colère et de la police. Prince Vic y avait des agents. Il y avait là des hommes dignes de Sparte et des hommes dignes du bagne. La plupart étaient forcenés et honnêtes. La Gironde, par la bouche d'Isnard, président momentané de la Convention, avait dit à mon monstrueux « Prenez garde, Parisiens, il ne restera pas pierre sur pierre de votre ville, et l'on cherchera un jour la place où fut Paris. » Ce mot avait créé l'évêché. Des hommes, et nous venons de le dire, des hommes de toute nation, avaient senti la nécessité de se serrer autour de Paris. Simourdin s'était rallié à ce groupe. Ce groupe réagissait contre les réacteurs. Il était né de ce besoin public de violence qui est le côté redoutable et mystérieux des révolutions. Fort de cette force, l'évêché s'était tout de suite fait sa part. Dans les commotions de Paris, c'était la commune qui tirait le canon, c'était l'évêché qui sonnait le tocsin. Simourdin croyait, dans son ingénuité implacable, que tout est équité au service du vrai, ce qui le rendait propre à dominer les partis extrêmes. Les coquins le sentaient honnête et étaient contents. Des crimes sont flattés d'être présidés par une vertu. Cela les gêne et leur plaît. Palois, l'architecte, qui avait exploité la démolition de la Bastille, vendant ses pierres à son profit, et qui, chargé de badigeonner le cachot de Louis XVI, avait par zèle couvert le mur de barreaux, de chaînes et de carcans, Gonchon, l'orateur suspect du faubourg Saint-Antoine, dont on a retrouvé plus tard des quittances, Fournier, l'Américain qui, le 17 juillet, avait tiré sur Lafayette un coup de pistolet payé, disait-on, par Lafayette, Henriot, qui sortait de Bicêtre, et qui avait été valet, saltimbocque, voleur et espion, avant d'être général et de pointer des canons sur la Convention, Larény, l'ancien grand vicaire de Chartres, qui avait remplacé son bréviaire par le père Duchesne, tous ces hommes étaient tenus en respect par Simourdin, et, à de certains moments, pour empêcher les pires de broncher, il suffisait qu'ils sentissent en arrêt devant eux cette redoutable candeur convaincue. C'est ainsi que Saint-Just terrifiait Schneider. En même temps, la majorité de l'évêché, composée surtout de pauvres et d'hommes violents qui étaient bons, croyait en Simourdin et le suivait. Il avait pour vicaire ou pour aide de camp, comme on voudra, cet autre prêtre républicain d'Anjou, que le peuple aimait pour sa haute taille, et avait baptisé la paix six pieds. Simourdin eut mené, où il eût voulu, cet intrépide chef qu'on appelait le général Lapic, et ce hardi Truchon, dit le grand Nicolas, qui avait voulu sauver Madame de Lamballe, et qui lui avait donné le bras et fait enjamber des cadavres. Ce qui eut réussi, sans la féroce plaisanterie du barbier Charlot. La commune surveillait la convention. L'évêché surveillait la commune. Simourdin, esprit droit et répugnant à l'intrigue, avait cassé plus d'un fil mystérieux dans la main de Pache, que Berneville appelait l'homme noir. Simourdin, à l'évêché, était de plein pied avec tous. Il était consulté par Dobson et Momoreau. Il parlait espagnol à Dussmann, italien à Pio, anglais à Arthur, flamand à Pereira, allemand à l'autrichien Proly, bâtard d'un prince. Il créait l'entente entre ces discordances. De là, une situation obscure et forte. Hébert le craignait. Simourdin avait, dans ses temps et dans ses groupes tragiques, la puissance des inexorables. C'était un implacable qui se croit infaillible. Personne ne l'avait vu pleurer. Vertu inaccessible et glaciale. Il était l'effrayant homme juste. Pas de milieu pour un prêtre dans la Révolution. Un prêtre ne pouvait se donner à la prodigieuse aventure flagrante que pour les motifs les plus bas ou les plus hauts. Il fallait qu'il fût infâme ou qu'il fût sublime. Simourdin était sublime. Mais sublime dans l'isolement, dans l'escarpement, dans la lividité inhospitalière. Sublime dans un entourage de précipices. Les hautes montagnes ont cette virginité sinistre. Simourdin avait l'apparence d'un homme ordinaire, vêtu de vêtements quelconques, d'aspect pauvre. Jeune, il avait été tonsuré. Vieux, il était chauve. Le peu de cheveux qu'il avait était gris. Son front était large, et sur ce front, il y avait pour l'observateur un signe. Simourdin avait une façon de parler brusque, passionnée et solennelle, la voix brève, l'accent péremptoire, la bouche triste et amère, l'œil clair et profond, et, sur tout le visage, on ne sait quel air indigné. Tel était Simourdin. Personne aujourd'hui ne sait son nom. L'histoire a de ces inconnus terribles. Chapitre 3. Un coin non trempé dans le Styx. Un tel homme était-il un homme? Le serviteur du genre humain pouvait-il avoir une affection? N'était-il pas trop une âme pour être un cœur? Cet embrasement énorme qui admettait tout et tous, pouvait-il se réserver à quelqu'un? Simourdin pouvait-il aimer? Disons-le, oui. Étant jeune et précepteur, dans une maison presque princière, il avait eu un élève, fils et héritier de la maison et il l'aimait. Aimer un enfant est si facile. Que ne pardonne-t-on pas à un enfant? On lui pardonne d'être seigneur, d'être prince, d'être roi. L'innocence de l'âge fait oublier les crimes de la race. La faiblesse de l'être fait oublier l'exagération du rang. Il est si petit qu'on lui pardonne d'être grand. L'esclave lui pardonne d'être le maître. Le vieillard nègre idolâtre le marbre blanc. Simourdin avait pris en passion son élève. L'enfance a cela d'ineffable qu'on peut épuiser sur elle tous les amours. Tout ce qui pouvait aimer dans Simourdin s'était abattu, pour ainsi dire, sur cet enfant. Ce doux être innocent était devenu une sorte de proie pour ce cœur condamné à la solitude. Il l'aimait de toutes les tendresses, à la fois comme père, comme frère, comme ami, comme créateur. C'était son fils. Le fils, non de sa chair, mais de son esprit. Il n'était pas le père et ce n'était pas son œuvre, mais il était le maître, et c'était son chef-d'œuvre. De ce petit seigneur, il avait fait un homme. Qui sait, un grand homme peut-être, car tels sont les rêves. À l'insu de la famille, a-t-on besoin de permission pour créer une intelligence, une volonté et une droiture? Il avait communiqué au jeune vicomte, son élève, tout le progrès qu'il avait en lui. Il lui avait inoculé le virus redoutable de sa vertu. Il lui avait infusé dans les veines sa conviction, sa conscience, son idéal. Dans ce cerveau d'aristocrate, il avait versé l'âme du peuple. L'esprit allait. L'intelligence est une mamelle. Il y a analogie entre la nourrice qui donne son lait et le précepteur qui donne sa pensée. Quelquefois, le précepteur est plus père que le père, de même que souvent la nourrice est plus mère que la mère. Cette profonde paternité spirituelle liait Simourdin à son élève. La seule vue de cet enfant l'attendrissait. Ajoutons ceci. Remplacer le père était facile. L'enfant n'en avait plus. Il était orphelin. Son père était mort. Sa mère était morte. Il n'avait, pour veiller sur lui, qu'une grand-mère aveugle et un grand-oncle absent. La grand-mère mourut, le grand-oncle, chef de la famille, homme d'épée et de grande seigneurie, pourvu de charges à la cour, fuyait le vieux donjon de famille, vivait à Versailles, allait aux armées et laissait l'orphelin seul dans le château solitaire. Le précepteur était donc le maître, dans toute l'acceptation du mot. Ajoutons ceci encore. Simourdin avait vu naître l'enfant qui avait été son élève. L'enfant, orphelin tout petit, avait eu une maladie grave. Simourdin, en ce danger de mort, l'avait veillé jour et nuit. C'est le médecin qui soigne, c'est le garde-malade qui sauve. Et Simourdin avait sauvé l'enfant. Non seulement son élève lui avait dû l'éducation, l'instruction, la science, mais il lui avait dû la convalescence et la santé. Non seulement son élève lui devait de penser, mais il lui devait de vivre. Ceux qui nous doivent tout, on les adore. Simourdin adorait cet enfant. L'écart naturel de la vie s'était fait. L'éducation finie, Simourdin avait dû quitter l'enfant devenu jeune homme. Avec quelle froide et inconsciente cruauté ces séparations-là se font. Comme les familles congédient tranquillement le précepteur qui laisse sa pensée dans un enfant, et la nourrice qui y laisse ses entrailles. Simourdin, payé et mis dehors, était sorti du monde d'en haut et rentré dans le monde d'en bas. La cloison entre les grands et les petits s'était refermée. Le jeune seigneur, officier de naissance et fait d'emblée capitaine, était parti pour une garnison quelconque. L'âme précepteur, déjà au fond de son cœur prêtre insoumis, s'était hâté de redescendre dans cet obscur rez-de-chaussée de l'église qu'on appelait le bas-clergé. Et Simourdin avait perdu de vue son élève. La révolution était venue. Le souvenir de cet être dont il avait fait un homme avait continué de couver en lui, caché mais non éteint, par l'immensité des choses publiques. Modeler une statue et lui donner la vie, c'est beau. Modeler une intelligence et lui donner la vérité, c'est plus beau encore. Simourdin était le Pygmalion d'une âme. Un esprit peut avoir un enfant. Cet élève, cet enfant, cet orphelin, était le seul être qu'il aima sur la terre. Mais, même dans une telle affection, un tel homme était-il vulnérable? On va le voir. Fin de la section 6.